Chapitre 15. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est celui qui cultive la vigne. Il coupe chacune de mes branches qui ne portent pas de fruits, et il taille chaque branche qui porte du fruit pour qu'elle soit nette et porte encore plus de fruits. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu net. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Une branche ne peut porter du fruit toute seule sans être unie au plant de vigne. De même, vous ne pouvez porter du fruit si vous ne demeurez unis à moi. Je suis le plant de vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme une branche, et il sèche. Les branches sèches, on les ramasse, on les jette au feu, et elles brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. Voici comment apparaît la gloire de mon Père, quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit, et du fruit durable. Ainsi le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne seraient pas coupables de péché si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait, c'est aussi mon Père qu'il hait. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites. Mais maintenant, ils ont vu mes œuvres et ils nous haïssent, moi et mon Père. Mais cela arrive pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Celui qui doit vous aider viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il parlera de moi. Et vous aussi, vous parlerez de moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement.